Chapitre 24. Nous fîmes un jour la partie d'aller dans l'île d'Arapiranga, tout près de l'île des Onces et de la grande île de Marajo, la patrie des crotales et des tigres. C'est de l'île de Marajo qu'on tire les bœufs pour l'alimentation de Paria. L'année 1859 avait été fatale. Les inondations de l'Amazone avaient presque tout détruit. J'ai oublié le chiffre, il était considérable. Et comme il n'y a pas beaucoup de carne seca et de feguen, les Français, habitués à un régime différent de celui du Brésil, mangent beaucoup de conserves d'un prix très élevé, comme tout ce qui vient d'Europe et des États-Unis. Nous partîmes un dimanche sur une assez grande barque, et au bout de quelques heures, nous arrivâmes devant une belle fazenda. Le maître de la maison, un Portugais, vint nous recevoir et nous conduisit immédiatement dans la salle à manger, lieu de passage pour aller visiter le reste des appartements. La table était parfaitement desservie. Je l'aurais préféré autrement, mais l'heure ordinaire du déjeuner n'avait pas sonné, et j'appris avec terreur qu'il fallait attendre encore longtemps. Dans cette fazenda était une cinquantaine d'esclaves. On y fabriquait des bases de toutes sortes. On nous en montra de magnifiques. Puis on nous conduisit au jardin. Il y avait du raisin verjus qui faisait le désespoir du propriétaire. Ce jardin, comme la plupart de ceux du Brésil, était composé de petites allées. Des plates-bandes, souvent en pierre ou en coquillage, remplaçant les buis ou les gazons, donnent à l'aspect de ces jardins quelque chose de sec et d'aride. La chaleur empêche les fleurs de se développer ou les développe trop tôt. Le maître de la maison m'ayant fait plusieurs présents, cela m'avait réduit au silence, car en arrivant je disais franchement mon avis sur certaines choses qui me plaisaient. Immédiatement, on me les offrait avec une grâce parfaite. On alla ensuite parcourir le pays. Nous chassâmes en chemin bien abrités sous les bois, et nous arrivâmes ainsi de l'autre côté de l'île, où je fis un croquis de manglier et ramassai des coquillages. Le lendemain, après avoir plié les hamacs, on prit congé du maître de la fazenda. Mon parti était arrêté. Des Indiens à peindre commodément, des oiseaux peu méfiants et en grand nombre, des allées sombres pour la photographie. Il fut convenu que je viendrais m'installer dans ce lieu. Effectivement, quelques jours après, je profitais de la barque qui va et vient régulièrement de Paria à Arapiranga, et M. Benoît en tête de mes bagages, nous vîmes nous installer dans l'île. Je m'étais permis de dire à M. Benoît avec les plus grands ménagements, avant de partir, qu'il était complètement malpropre et abruti, que je le priais de se modifier un peu par pudeur pour une maison étrangère. Mon avertissement parut le toucher, il changea de cravate. Je n'osais pas insister sur le reste, me réservant de le pousser dans l'eau par mes gardes le premier jour où j'irais me baigner. Il n'y avait dans la maison, quand je revins à Arapiranga, que le frère du patron et un petit jeune artiste qui, sans avoir eu de maître, faisait les dessins de vase, quelquefois d'un style assez pur. Je m'installai de mon mieux dans une grande chambre, ayant vue sur le fleuve, et pendant 15 jours je peignis tout à mon aise pour la première fois depuis mon départ d'Europe. Car chez le seigneur X, ce n'était guère facile. Moins encore dans mon ancienne pauvre case, où la porte-fenêtre avait à peine 5 pieds de hauteur, tandis que les feuilles du toit, descendant fort bas, interceptaient la lumière. Quand je fus fatigué de peindre, je pris mon fusil. Je rencontrai sur mon chemin de nègres esclaves de la fazenda. Ils me suivirent. Ils me montraient des oiseaux attirés quand je ne les voyais pas. En poursuivant une perruche, nous entrâmes dans le bois. J'avais déjà témoigné le regret de ne pas rencontrer de serpents. Mes nègres en avaient vu de différents côtés, entre autres un bois énorme, qu'ils s'engagèrent de guetter et de m'apporter vivant. Ces braves gens me contèrent toutes sortes d'histoires au sujet de ce reptile dangereux. Il avait mangé des animaux d'une grandeur fabuleuse, mais puisque cela me faisait plaisir, demain ou plus tard, il serait pris en jouant. Nous nous glissâmes pendant quelque temps à travers les lianes, et j'essayais de franchir un tronc d'arbre abattu par la foudre, quand de l'autre côté, je vis étendu à terre, sans aucune espèce d'ondulation, un très grand serpent couleur de fer. Je connaissais les inconvénients du fusil en pareille circonstance, mais quand je me retournai vivement pour dire aux nègres de le prendre vivant, ils étaient devenus invisibles. Leur bravoure avait failli en présence de la réalité. Cependant, la barre de fer commençait à se mouvoir. Il fallut prendre le parti ordinaire, Mon cou fit balle et je vis aussitôt, à mon grand regret, un grand trou près de la tête. L'animal avait près de 4 mètres. Je rentrai bien vite dans ma chambre. J'y réparai le dommage occasionné par mes balles. Ce serpent, d'une espèce assez peu dangereuse, car il n'a pas de crochet, fait le pendant avec le fameux sourou-coucou que j'ai rapporté en Europe. Tous deux sont chez moi, enroulés maintenant autour d'un candélabre, et ainsi que d'autres animaux gigantesques font peur aux enfants qui se hasardent dans les profondeurs de mon atelier. On vint ensuite me dire qu'un grand crotal, le cuscabel, s'était glissé entre les poutres d'une baraque construite en haut du débarcadère. Il était bien d'une espèce dangereuse. Sa tête plate, sa queue obtuse ne me laissèrent aucun doute. Il fallait de grandes précautions pour le prendre sans être touché par ses crochets. Ses couleurs me tentaient beaucoup. Je n'avais jamais vu son pareil. On alla chercher de grosses ficelles. Il n'était pas facile de le prendre car il se glissait de poutre en poutre. À chaque mouvement qu'il faisait, il répandait une odeur fétide. Enfin, à force d'essayer divers moyens, nous lui serrâmes le cou fortement et on le tira à terre à moitié étranglé, puis on le fixa à un piquet. En ce moment, on vint m'appeler. Le dîner était servi. Nous n'étions que 3 à table, dans une salle immense. La table aussi était fort grande et arrondie par les 2 bouts, place ordinaire des maîtres. Nous mangeâmes beaucoup d'herbage, des œufs de tortue, des agoutis, le lapin de l'Amérique, de la paca, du tatou et de la tortue. Des fruits nommés avocats, dans lesquels est une crème fort bonne, surtout quand on y joint du rhum et du sucre, des melons d'eau et des ananas. Les oranges ne sont pas bonnes au paria. On plaçait toujours du pain auprès de moi. Les 2 autres convives mangeaient de la farine de manioc, et comme ils buvaient de l'eau, je n'avais pas osé accepter du vin qu'on m'avait offert, quoique ma santé eût alors besoin d'un breuvage tonique. Nous avions près de nous chacun un grand vase de terre en forme de calice. Une indienne le remplissait d'eau à mesure que nous buvions. Le repas achevé, je m'hâtais de revenir à mon serpent. Hélas, M. Benoît, par excès de zèle, avait voulu détacher la peau et y avait fait une 50aine de trous. Elle était perdue. Je l'arrachai des mains de M. Benoît, j'achevais de la mettre en pièces et je jetai le malencontreux à la porte, lui défendant de me parler ni de me regarder. Bientôt, le maître du logis fut de retour. Nous causâmes. Il me donna le conseil de descendre l'Amazone en canot, après l'avoir remonté en bateau à vapeur. Je pris congé de lui et dis adieu à cette île que je devais revoir au retour, pour de là aller visiter celle de Maraja, d'où j'avais le projet de passer à Cayenne et de voir cette fameuse Pororaca dont un navire anglais venait d'éprouver la puissance et s'était retiré tout désemparé par suite de la jactance du commandant qui s'était vanté de la braver.